Bonjour. D'habitude, quand je fais une vidéo, je fais ma toilette avant, là. Mais là, un matin, j'étais en état de parler de certaines choses, puis ça me tente. Puis bon, c'est sûr, j'ai l'air un peu fou, là, dépeignant de même. Mais là, on s'en fout, hein. Pas grave. Pas si important que ça, là. Bon. Dernièrement, il est arrivé quelque chose d'intéressant. Puis, ça m'a fait voir d'autres choses. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir d'autres choses tout le temps. Là, j'étais allé voir une vidéo, puis je l'appréciais beaucoup, la vidéo, puis finalement, j'ai fait un commentaire qui allait dans le propos de la vidéo. Mais, qu'est-ce que je vois pas arriver? Deux comiques que j'ai déjà revirés de bord ici sur la chaîne, parce que ils se montraient déplaisants, puis bon, eux autres, ils étaient pas contents de me voir là. Donc, tout de suite, ils se sont mis à faire le procès du supramental, puis de Bernard de Montréal. Donc là, je lisais ça, puis là, finalement, je me suis mis à répondre, mais finalement, c'est parce que ça avait comme pas rapport avec mon propos, puis c'était agressif, vraiment. On sentait une certaine agressivité. Donc, moi, je considère que les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, mais bon, j'ai le droit de répondre aussi si ça donne en plein dans ma face. Bon, donc, ok, j'ai répondu le plus honnêtement possible, le plus honnêtement du monde. Puis finalement, ça devenait de plus en plus agressif. Puis j'essayais de répondre. Puis là, finalement, ce matin, je vois une réponse. La personne me dit, c'est pour ça que je me dis, on va parler un petit peu de psychologie. On va parler un petit peu de la mécanique de projection. La personne me dit que je perds mon calme. Puis finalement, je suis là, ben non, pourtant, non, je suis resté bien calme. Même, je vous dirais, j'étais un petit peu amusé pareil, là. J'ai toujours un certain. Bon, un petit peu fanfaron des fois. Puis, bon, il y a des choses, je ferais pas ça si j'avais pas de fun non plus. Là, faut avoir quand même du fun dans ce qu'on fait. Puis, quand je réponds, c'est parce que, bon, j'ai quand même un certain plaisir à le faire. Puis là, la personne m'a dit que je perds mon calme, que je suis super émotif. Puis, pourtant, c'est pas le cas. Puis, je me disais, ben voyons. L'affaire qui arrive, ça c'est signe que la personne est devenue très émotive en me lisant. Je disais des affaires probablement qui font pas son affaire, puis qu'elle est en train de perdre son calme. Parce que là, vous savez, là, de m'écrire en lettres capitales, là, comme Marie-Chantal Toupin, là, mais elle, bon, c'est pas pour les mêmes raisons, mais c'est un peu l'équivalent, comme si la personne se met à crier, là. Puis là, je suis là, puis la personne m'a dit de garder mon calme, puis que je suis super émotif. Ça, c'est signe, c'est ça une projection. C'est-à-dire, la personne, elle projette sur moi ses émotions, puis sa perte de calme. Puis, j'ai refait une réponse, puis qui est correcte, qui est la plus posée possible, et puis, mais je reconnais le même comportement. Le même comportement qui fait que je m'étais lassé sur ma chaîne. Puis comme j'étais pas chez moi, puis que bon, là, on est pris à défendre les affaires comme le supramental, Bernard de Montréal. Bernard de Montréal, je ne l'ai jamais idolâtré comme un maître. Puis même, j'ai tout le temps été un peu critique certaines choses, même que ça a amené des conflits dans ce milieu-là. Puis même, c'est arrivé que j'ai dit à du monde, démontrer qu'il y a certains aspects lucifériens, des fois chez Bernard de Montréal, que peut-être qu'il ne voyait pas. Mais vers la fin de sa vie, il y a quelqu'un qui était, il y a longtemps, là, dans les débuts, qui était avec Bernard de Montréal, qui me disait, moi, ben, il y a une conférence vers la fin de sa vie où il en parle de ça. Où il parle justement du fait que lui, s'était déjà fait avoir, puis qui est bon. Supposément qu'à un moment donné, il est presque au bord des larmes, là, en en parlant. Donc, finalement, moi, je n'ai jamais idolâtré. L'affaire, c'est que Bernard de Montréal, il a amené certains sujets que personne d'autre au Québec a parlé de ça. Donc, on n'a pas le choix de faire référence des fois à lui. Parce que, bon, ça, il reste que c'est intéressant. Comme on peut parler le concept du surmoi, mais même le concept, on peut même, c'est plus qu'un concept, là. Sans être freudien pour autant. Hein? Donc, bon, il reste que c'est intéressant pour les phénomènes de projection comme ça. Puis, prenez par exemple quelqu'un qui va être porté à se déprécier. Il y en a, là, c'est là où je vous parle, il y a de la programmation là-dedans, ça vient tout le temps de l'enfance. C'est dans l'enfance que ces mécaniques-là vont, comment je pourrais dire ça, j'allais dire s'engrammer, mais c'est pas le bon terme, mais que ces mécaniques-là, au niveau d'une programmation mécanique, puis là, je parle pas la programmation, je parle une programmation au niveau comportemental. Bon, la personne qui va se déprécier va être portée à se déprécier beaucoup. Comme par exemple, bon, vous pouvez avoir des dames qui sont un petit peu rondes, puis elles vont beaucoup en public s'auto-dénigrer avec un sens de l'humour en riant de leur rondeur. D'ailleurs, c'est devenu un peu une mode là, en humour. Ça, c'est important de comprendre que c'est lié à un mécanisme de défense. Toujours, toujours. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils ont un physique tout à fait banal. Ils ont un physique tout à fait banal ou une intelligence même au-dessus de la moyenne. Puis pourtant, ils vont tout le temps, par réflexe, se dénigrer. Dire qu'ils sont pas beaux, dire qu'ils sont pas intelligents. Puis là, après ça, là, il y en bas. Ça, c'est un mécanisme de défense. Si vous avez l'œil avisé pour certaines choses comme ça, comme oui, par rapport à ma famille, bon, on est lié un petit peu à la loi. Hein? Mais il y a aussi des psychologues, puis bon, ça a tout le temps été des choses intéressantes pareilles, mais au niveau de l'observation, parce que moi je ne suis pas un psychologue, mais au niveau de l'observation, je peux être entre guillemets psychologue un petit peu. Donc, ces mécanismes de défense-là, ça vient de la petite enfance. Puis souvent, c'est la personne va avoir subi de l'intimidation à l'école, des choses comme ça. Puis d'arriver comme ça, puis de s'auto-dénigrer, c'est une façon de garder un certain contrôle. Bon. Mais c'est pas grave, là. Hein? Tout le monde a des failles, puis tout. Mais il reste qu'au niveau d'une déprogrammation, au niveau du comportement, faut le voir, ça. C'est par l'observation hein, qu'on défait. Puis c'est l'essentiel de mon propos. Depuis toujours, l'observation. Il y a David Lévesque qui a fait un enregistrement, là, un audio dernièrement. C'est très, très intéressant. Puis j'ai l'impression, puis je suis content, je me réjouis, puis j'ai l'impression, on est quand même, on est de plus en plus lucide pareil par rapport à certaines choses. Là, il y a certaines choses qui reviennent à la mode. Bon, je me dis tant qu'à faire, on va en parler de tout ça aussi. Comme ce qu'on appelle le discernement des esprits. Là, on n'est pas dans de la psychologie au sens actuel du terme. Mais au niveau de la culture occidentale, judéo-chrétienne, j'aime pas le terme judéo-chrétienne, parce que c'est un peu un oxymore, là, judéo-chrétien. Mais bon, le discernement des esprits, c'est quoi? Dans les évangiles, c'est une grâce. C'est un savoir instantané, une vue, notamment qui est attribuée à l'apôtre Pierre. Donc, le discernement des esprits, comme à un moment donné, il convertit quelqu'un, puis il dit, il voit qu'il y a encore de la méchanceté, puis il dit, tu trembles dans le fiel, quelque chose comme ça. Ou à un moment donné, une femme qui est une esclave, là, qui aide des maîtres par rapport à de l'information, si on peut dire entre guillemets, qu'elle canalise, puis lui, il voit que c'est de la médiumnité, dans le fond, qu'il y a quelque chose qui la chevauche. Puis, ce qu'on appelait dans le temps un esprit de python. Puis ça, bon, ça fait partie des grâces qu'il y aurait eu par rapport à l'apôtre Pierre, comme il y a une vieille histoire, là, par rapport à Shimon Magus, Simon le Mage, qu'à un moment donné, Simon le Mage, qui était magicien dans le temps, c'est une sorte de, comment je pourrais dire ça, un petit peu comme David Copperfield, là, qui faisait des démonstrations, là, puis il volait. À un moment donné, supposément que Simon le Mage est en train de faire une démonstration qui est en train de voler, entre autres, devant l'empereur Néron. Puis Saint-Pierre l'aurait fait tomber. Il se serait fracturé le fémur. C'est de là que vient le terme, ce Simon le Mage, il aurait voulu acheter le secret du Saint-Esprit à Saint-Pierre. C'est de là que vient le terme, les simonies. Comme par exemple, quand l'Église vendait des indulgences, il se montrait simoniaque, c'est-à-dire que c'est des simonies, c'est ça, des simonies. Parce que la grâce, ça se vend pas, puis ça s'achète pas, là. C'est des affaires, bon. En tout cas, mais par rapport à ça, le discernement des esprits, ben, c'est comme je vous dis, là. C'est ce qu'on appelait une grâce, c'est-à-dire il y a un savoir instantané. Puis, par la suite, là, l'affaire, on va parler les jésuites. Parce qu'avant, certaines sociétés secrètes qui infiltraient les gouvernements, bon, ben, il y a eu ce qu'on pourrait appeler des modèles, un petit petit peu avant. Puis c'est pour ça que les Jésuites, ils ont été foutus dehors de certains pays, parce que d'une certaine façon, ils respectaient pas l'indépendance nationale, puis c'était une influence importante. Puis les Jésuites étaient fins psychologues. Ils étaient fins psychologues. Puis bon, l'affaire, c'est qu'au niveau de Saint-Ignace de Loyola, puis certains exercices pratiques, eux autres, ils ont fait de le discernement des esprits une doctrine pratique. Donc, c'est plus nécessairement une grâce, mais on n'est plus dans le savoir, c'est de la connaissance. Puis c'était transmis, puis bon, ils s'instruisaient entre eux autres bon, jusqu'à un certain point, on pourrait même dire ça fait partie de quelque chose d'un petit peu caché, là. Ça, c'est de l'occulte, dans le fond, là. À ce niveau-là. Prenez Heinrich Himmler. Heinrich Himmler, par exemple, quand il a voulu faire ses SS, qui est une sorte d'ordre de moines soldats, puis tout, s'est inspiré un petit peu de Saint-Ignace de Loyola, là. Hein? Qu'on le veuille ou pas, il y a des influences catholiques chez Himmler. Parce que c'est un catholique, étant enfant, ben Hitler aussi d'ailleurs, mais bon. Par exemple, il y en a, ils vont dire Hitler, c'est un néo-païen, puis ben non, il voyait quand même, il était critique. Il voyait dans un mauvais œil un petit peu le néo-paganisme d'Himmler, là. Mais comme c'est quelqu'un qui était opportuniste, ben, il était tout le temps prêt à se servir de des formes ou des choses qui pouvaient servir son agenda à lui. Donc, il a laissé faire Himmler avec ses histoires de néo-paganisme, puis d'ordre noir, de ci, puis de ça, puis bon. Mais il reste, ça rappelle un petit peu les Jésuites, un petit peu. Parce que. Mais là, on est plus dans ce que j'appellerais les débuts de ce qu'on pourrait appeler de la programmation mentale, le contrôle mental, à des fins politiques, entre autres, ou d'ingénierie sociale. Comme par exemple, prenez le moine Héliodore, parce que ça aussi, chez les orthodoxes russes, par exemple, un qui était pas pire fin psychologue, mais qui était une personnalité un petit peu, je dirais un caractère un petit peu faible, c'est le moine Héliodore. Le moine Héliodore, c'est un orthodoxe russe qui a eu affaire à Raspoutine. Puis quand il était en présence de Raspoutine, c'est quelqu'un qui a grandi dans des conditions difficiles, qui avait frôlé la mort de proche quand il était jeune, puis des choses comme ça peut forger la volonté. Puis Raspoutine, c'était quelqu'un qui avait un magnétisme très très puissant, c'était quelqu'un qui avait une forte volonté, puis tout. Puis juste ça, j'ai eu affaire, moi, à une dame comme ça, il y a longtemps, que j'avais des choses légitimes, des fois, à lui reprocher, puis dès que j'étais dans son bureau devant elle, j'étais pas capable. Elle venait à bout de m'imposer sa volonté, juste par sa présence, juste par son magnétisme. Mais aujourd'hui, ça ne marcherait plus, là. Mais il reste que c'est un petit peu ça qu'a vécu le moine Héliodore. C'est-à-dire qu'en présence de Raspoutine, quand il était en présence de Raspoutine, il était, même si il y avait des choses à reprocher à Raspoutine, puis qu'il y avait même une certaine colère, puis une certaine haine contre lui, il était totalement incapable de lui faire face ou de le confronter, tellement que même il était pris en photo avec, puis même des fois quand Raspoutine n'était pas là, au début, le moine Héliodore, il pouvait pas s'empêcher d'en dire du bien, puis de bon. Ça, c'est à cause d'un fort magnétisme, d'une forte volonté, puis Raspoutine était un personnage quand même hors du commun. Par après, c'est là que le moine Héliodore, il va tomber dans des techniques un petit peu comme, je dirais, un petit peu comme certaines techniques comme on voit chez les Jésuites. Parce que, bon, il a fini par comprendre qu'entre autres, Raspoutine était un fin psychologue. Puis, mais il y avait plus que ça, là. Il y avait plus que ça. Finalement, le moine Héliodore, qui était jusqu'à un certain point rempli de méchanceté puis de haine envers Raspoutine. Ça s'est devenu de la haine jusqu'à un certain point. Vous savez pas ce qu'ils ont fait. À un moment donné, lui puis un autre, ils ont tendu une embuscade, puis ils l'ont fait rentrer dans une pièce où il s'attendait pas à ça, Raspoutine, puis une pièce dans la pénombre, puis ils l'ont battu avec une grosse croix. C'est ça, le problème par rapport à de la spiritualité naïve, ça peut aboutir à de la division extrêmement violente. Et ils l'ont battu à coups de croix, puis bon, c'est assez spécial. Mais ils n'ont jamais été capables, au niveau du charisme puis de l'influence qu'avait Raspoutine, ils n'ont jamais été capables de le contrer tant que ça. C'est là que le moine Héliodore, si on peut dire, il est sombré un petit peu dans ce qu'on pourrait appeler des techniques discutables plutôt. Puis, il est allé jusqu'à programmer. à faire de la programmation mentale. C'est-à-dire qu'ils se sont servis d'une jeune femme simplette, une jeune femme simple d'esprit, puis ils l'ont programmée pour qu'elle commette un attentat sur Rasputin. C'est pour ça qu'à un moment donné, Rasputin, il s'est fait poignarder par une femme. Que finalement, je pense qu'elle n'a pas été reconnue responsable de ses actes parce que c'était une folle. Parce qu'au niveau de la programmation mentale, ils vont tout le temps se servir, entre autres, de des esprits faibles, un petit peu. Comme par exemple, quand il y a eu les films là, Dan Brown, puis tout, puis là, il y a eu une diabolisation de l'Opus Dei, mais l'Opus Dei, c'est bon. Ce sont pas si pires, là, sont, ben, les gens, que, comme déjà j'osais avec quelqu'un qui était dans l'Opus Dei, puis c'est pas du mauvais monde, là. On pourrait parler en tant qu'organisation, il y a un petit côté spéculation immobilière, bon, mais c'est pas du monde comme il a été décrit par Cabochon à Dan Brown, là, tant qu'à moi qui a désinformé du monde avec son. C'est de la fiction, là, faut comprendre que c'est de la fiction. Par contre, les jésuites, là, à certains niveaux, ouais, il y a certaines connaissances. Puis, au niveau de Saint-Ignace de Loyola, puis les exercices de Saint-Ignace de Loyola, parce que c'est des affaires, c'est des exercices pratiques, puis tout, au niveau de ce qu'on transmet par rapport au discernement des esprits, c'est plus une grâce, là, c'est plus un savoir instantané nécessairement, comme il est décrit dans les évangiles, là, c'est autre chose. Complètement autre chose. Donc, au niveau des mécanismes de projection, c'est quelque chose que je vois souvent. C'est-à-dire, non seulement subjectivement, on va être porté à s'identifier à nos pensées ou à des pensées qui ne viennent pas de nous, mais surtout, entre autres, des impressions. Des impressions. C'est là qu'il peut y avoir un jeu de projection, surtout si la personne va avoir des mécanismes de protection au niveau de protéger l'ego. Puis, souvent, comme des personnalités très émotives ou des personnalités que, bon, que le système nerveux, à un moment donné, parce que tout ça, c'est lié, entre autres, au système nerveux. C'est la clé, là, le système nerveux, vraiment, là, de comment ça fonctionne, ces affaires-là. Le système nerveux, c'est vraiment la clé. Donc, la personne, par exemple, peut lire un texte, puis intérieurement, elle va devenir émotive, elle va perdre son calme. Mais au niveau d'une subjectivité, puis des mécanismes inconscients de protection psychologique, la personne va projeter ses propres émotions, ses propres pensées sur l'autre. Puis, ça ne peut pas faire autrement que d'aboutir à des malentendus. Ça ne peut pas faire autrement. Puis, c'est là que vont naître de la division, des haines, une certaine agressivité. Comme je considère que le moine Héliodore, il n'a pas juste manipulé une femme simplette, il s'est manipulé lui-même. Puis, pour aboutir finalement à des comportements détestables, vraiment, là. C'est quand même, j'irais jusqu'à dire que c'est triste, mais c'est l'histoire humaine, l'être humain. Pourquoi on dit l'homme est un loup pour l'homme? Donc, c'est ce que j'avais à dire sur ça. David Lévesque, son dernier enregistrement, moi, je le trouve très lucide. Puis, il y en a, ils vont me reprocher. C'est Bernard de Montréal, je ne le considère pas comme un maître, mais pas du tout. Mais on n'a pas le choix de s'en servir un petit peu comme référence. Il y a juste lui qui a parlé de certaines choses. Puis là, je parle au niveau d'une observation, d'un exercice pratique. Puis bon. Mais il reste que, oui, il y a des aspects, des fois, qu'on pourrait considérer comme un petit peu luciférien chez lui. Mais par contre, d'aller dire que Bernard de Montréal, il essayait de mener les gens à penser que l'être humain allait devenir son propre Dieu, ça, c'est un mensonge. C'est réellement un mensonge. Puis, c'est pas vrai du tout. En tout cas, ça dépend toujours de l'interprétation que les gens ont, comme l'affaire voir ce qu'il y a au-delà de la forme. Les gens souvent vont pas comprendre la différence entre la forme, qui est liée souvent à la mémoire collective, à des choses comme ça, puis la chose en elle-même au-delà de la forme. Donc, c'est à faire très attention. C'est pour ça que Bernard, il ne faut pas l'interpréter au sens de l'intellect, de l'ego psychologique dans ce qu'il dit. Il faut voir au-delà de du formel. De sa parole. C'est pour ça que jusqu'à un certain point, ça peut devenir dangereux. Puis le fait justement que je suis critique de certains aspects de Bernard, ça l'a amené des conflits. C'est pas le fun, là. C'est un petit peu ingrat. Des fois, même être honnête jusqu'au bout, ça devient ingrat. Puis, par rapport, il y a aussi, je vais faire une rétrospective, puis ça va être juste visuel. Les arts systémiques, l'art systémique. Puis, dans le fond, c'est l'aboutissement de 12 ans. 12 ans de recherche, 12 ans de travail. Puis, en plus, bon, on dit que tout travail mérite salaire, mais non, je vais vous mettre ça gratis. Je ne commencerai pas à vouloir faire de l'argent avec ça. Je vais le mettre, de toute façon, ça va être une vidéo. Je vais mettre des panneaux par rapport à du pictural. Puis je ferai un petit montage, là. Puis bon, c'est sûr que je ne suis pas aussi calé que d'autres pour le montage, des affaires de même, parce que ça ne m'a jamais intéressé. Mais c'est une rétrospective sur une douzaine d'années de recherche, de travail. Puis, ça sera la prochaine vidéo. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Puis bon, j'ai pas fait ma... D'habitude, je fais ma toilette, là, avant de faire des vidéos, mais... Bon, je dis... Je me sens en étude de l'affaire. Puis, à un moment donné, là, hein, on s'en fout. On s'en fout. C'est de ça que j'ai de l'air le matin. Bonne journée.